Pour célébrer la journée du soleil, les délégations des Coréens d'outre-mer sont arrivées à Pyongyang le 13 avril par vol ou par train. Ce sont la délégation de l'Association de la collaboration des compatriotes en Allemagne, conduite par sa présidente d'honneur Lee Ji-soo, la délégation des vétérans de l'Association générale des Coréens en Chine, conduite par son chef de département Tong Chubong, la délégation de l'Association d'échange économique et culturel des Coréens de la ville de Dandong de Chine, conduite par son président Kim Tae-yong, Lo Gil-nam, représentant de Minjok Tongsin, journal internet des Coréens des États-Unis, et sa suite.